heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Antoine, bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, bah écoute, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Eh ben ouais, je m'appelle Antoine, je travaille en fait à la distillerie Le Comte Blaise, à Nol, au syndicat. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis là-bas, et puis c'est que du bonheur. Et tu fais quoi là-bas? Je fais pas mal de choses. Je suis commercial, vendeur sur place aussi, je prépare les commandes, je fais les livraisons. Un petit peu de production aussi parce que ça m'intéresse. Voilà, un peu multitâche. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers ce domaine particulièrement ? Oh bah, avant tout, l'amour de l'alcool. Hein. Non, c'est, je sais pas, c'est un milieu qui m'intéressait. Ça a été aussi une opportunité d'y rentrer. Et puis, maintenant que j'y suis, c'est plutôt cool, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît de plus dans ce que tu fais ? J'aime beaucoup le contact avec les gens qui viennent au magasin. On voit qu'ils arrivent chez nous et avec le sourire, on voit qu'ils viennent pas déclarer leurs impôts, quoi. Donc, c'est une partie très agréable. Et puis après, il y a un savoir-faire quand même assez ancestral, hein, vu que la distillerie, elle a 200 ans. Il y a les matériaux d'époque, qui ont été renouvelés, bien sûr. Mais tout ça, c'est assez sympa. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la distillerie Le Comte Blaise, son histoire, etc. Ouais. Alors, la distillerie Le Comte Blaise, donc, comme je disais, elle a été créée en 1820, à l'origine par la famille Imbert, qui a ensuite, 100 ans plus tard, suite à un mariage, c'est devenu Le Comte et Blaise, Le Comte Blaise. Et puis, c'est toujours le même bâtiment, toujours au même endroit depuis 200 ans. On peut le voir de l'extérieur qu'il y aurait besoin d'un petit coup de neuf, mais, mais là, de l'intérieur, on fait vraiment un produit de qualité, de local, enfin, avec les fruits les plus locaux possibles. Alors, tu disais que vous utilisiez des matériaux d'origine, c'est quoi du coup ? Eh bien, en fait, on a toujours... il y a une bonne partie qui est passée en aspect un peu musée, mais on a nos alambics d'époque, on a des vieilles cuves bétonnées et carrelées des années début 1900. Tout ça, ça reste un aspect assez musée. On n'a plus le droit maintenant, avec les lois européennes, de produire là-dedans. Tout doit être fait dans de l'inox. Donc maintenant, on s'est regroupé. On est deux maisons. On est la distillerie Le Comte Blaise à Nol et la distillerie Paul de Voile à Fougerolles. Et là-bas, tout a été remis à jour. Et donc, du coup, la production, on l'a regroupé. Et voilà, ça permet de tenir toujours sans investir des millions d'euros pour faire tout à jour, pour pouvoir toujours produire à Le Comte Blaise, quoi. Et c'est quoi une distillerie ? Une distillerie, c'est le lieu où on va créer des spiritueux, des eaux de vie, des liqueurs. Il y a une partie de macération, donc dans des grandes cuves. Donc la macération, on va mettre des fruits, des plantes dans lesquelles on va ajouter de l'alcool. On va ajouter des levures, de l'alcool pour faire nos eaux de vie. Et puis il y a la fermentation, donc tout ça se passe dans des cuves. La fermentation, c'est pour les fruits plus riches en sucre. Donc c'est deux méthodes. Et puis ensuite, ça passe dans des alambics. Alors après, le système d'un alambic, c'est un petit peu plus long à expliquer, mais enfin, ça va. Ça va. Un alambic, en fait, on va chauffer ce qu'on fait macérer ou fermenter dans les cuves. Et ensuite, ça va passer dans un réfrigérant. Donc, la vapeur redevient liquide et ça finit dans des damjans. Vous avez peut-être déjà vu des grandes bonbonnes en osier. Avec une bonbonne en verre soufflé à l'intérieur. Et c'est là-dedans que vieillit l'eau de vie, toujours selon la façon ancestrale, dans le grenier pendant minimum 2 ans, jusqu'à 5 ans pour les grandes réserves. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de la distillerie Le Comte Blaise. A tout de suite sur Radio Guémozo. C'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique. Et ce Kiki chante allez roule et roule ma poule, dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. cache le varech et les emmerdes qui vont avec. C'est qui qu'a sorti Moby Dick, le capitaine de la barrique. Quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste, c'est qui passe devant la crique, le capitaine de la barrique. Dans le port de Montville, la rogue, il râle ses filets plein de gold, le homard avec l'élastique, le capitaine de la barrique. Navigue pas tout seul avec Elsa, son Jack Russell. C'est qui a un chien de cirque, le capitaine de la barrique. Quand il a noyé son permis, c'est qui a dit c'est à qui. La belle voiture électrique, le capitaine de la barrique. C'est qui en voyant la terre de Jersey, île d'Angleterre, a gueulé vive l'Amérique, le capitaine de la barrique. À trois pinces. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Antoine. Alors merci, je viens d'apprendre que le homard a trois pinces. Écoute, je l'ignorais aussi. Quel genre de produit est-ce que vous proposez à la distillerie ? Des apéritifs, des digestifs, des cocktails ? Alors c'est vrai qu'on a une gamme, on a une belle gamme. On fait une vingtaine d'eau de vie, une vingtaine de liqueurs, de crème aussi pour faire des kirs. On fait du gin, on fait de la vodka, on commence à faire du whisky. Ça c'est assez intéressant aussi. C'est un autre procédé. Il y a pas mal de choses. Est-ce que vous proposez des produits du terroir ? Ah bah bien sûr oui, on travaille au maximum avec des fruits et des plantes locales. Bon, je pense au plus local bien sûr, il y a la Mirabelle qui est lorraine. Et puis bon, la Mirabelle c'est quand même le top à distiller, que ce soit en eau de vie, en liqueur, en crème, pour faire beaucoup de choses. Et puis il y a le sapin, on en a tout autour de nous, les bourgeons de sapin qu'on utilise, les plus proches ils viennent du col de Sapois et puis des coins du Val d'Ajol. Donc là c'est en super local et on fait beaucoup de choses avec ça. On fait aussi des amères au sapin, à la mirabelle, à la myrtille aussi maintenant. Enfin, y a pas mal de choses. Et comment ça se fabrique, ça, la liqueur de sapin ? Par exemple, vous allez cueillir les épines et vous mettez ça sous forme d'alcool ? Alors, nous, on ne fait pas la cueillette en plus. On n'aurait vraiment pas assez de 24 heures dans une journée. Mais c'est, du coup, on utilise les bourgeons de sapin, en fait. Et tout ça va être, macéré. Ça va être macéré. Et puis, ensuite, ça va être mis dans des cuves. Enfin, ça va rester dans les cuves pendant des semaines à des mois, en fonction de la qualité de la plante. Et puis ensuite, une fois que ça sera créé, on va les mettre en bouteille, quoi. Il y a tout un procédé avant également, c'est distillé. Une fois que c'est mis en bouteille, après, ça donne quelque chose un bon produit, quoi. Qu'on fait aussi bien en eau de vie. Alors là, c'est de l'eau de vie qui vieillit 3 ans dans les bonbonnes dans notre grenier. Ou que ce soit en liqueur, ou que ce soit de la mer au sapin. On fait aussi maintenant du pastis au sapin. Ça c'est sympa aussi. Moi qui suis pas trop fan d'anis et qui adore le sapin, ça me réconcilie avec le pastis, quoi. C'est sympa. Et tu parlais de crème tout à l'heure, c'est quoi ? Alors, la différence entre une liqueur et une crème, simplement, il y a beaucoup plus de sucre dans une crème. La liqueur, on peut la boire pure, comme ça. Ça peut passer en apéritif, ça va. Par contre, la crème à boire pure, c'est vraiment... C'est comme boire un sirop pur, quoi. C'est vraiment fait pour être mélangé. Par exemple, vous faites des kirs à la mirabelle ou à la myrtille. Donc, avec par exemple, un champagne ou un crème en brut. Ou un vin blanc bien sec, dans lequel on mélange, du coup, on met 2 centilitres de notre crème dedans. Et puis, ça donne un petit cocktail sympa qu'on retrouve dans beaucoup de restaurants aussi du coin. Est-ce que vous proposez des produits 100% vosgiens ou vous faites un peu de tout ? Alors bon, on a quelques AOC, c'est-à-dire des appellations d'origine contrôlée, notamment le kirsch de Fougerolles qui vient uniquement de nos plantations à Fougerolles. Alors bon, c'est pas les Vosges, hein, c'est juste à côté, mais voilà, c'est une preuve de grande proximité. Et puis bien sûr, bah, par exemple, on a le bluet des Vosges, c'est un petit apéritif maison, c'est d'ailleurs l'alcool le plus doux qu'on fait chez nous, c'est à 18 degrés quand même, mais c'est vraiment un apéritif très doux, on sent pas trop, on sent très peu l'alcool, enfin du coup c'est trompeur. Oui, là le bluet des Vosges, la Mirabelle qui est Lorraine aussi, ouais, il y a quand même pas mal de produits locaux. Et c'est quoi l'eau de vie ? Eh bien, l'eau de vie, c'est le plus pur produit de la distillation. C'est vraiment quand on va passer nos fruits dans l'alambic. Donc, c'est vraiment une évaporation des senteurs d'alcool. On garde le cœur de chauffe. Alors, c'est un terme un peu technique, mais voilà, c'est là où il y a le meilleur de l'arôme, le meilleur du goût du fruit. Et cette vapeur redevient liquide et ça part direct dans les bonbonnes. Et après, on touche plus à rien. Ça va dans le grenier, ça vieillit pendant 5 ans, là où il y a les... 5 ans pour les grandes réserves, sinon 2-3 ans. Et donc, le procédé dans le grenier, on a des... L'hiver, il fait très froid pour concentrer l'arôme du fruit. Et l'été, il fait très chaud. Et donc, du coup, on évapore le trop fort d'alcool. C'est ce qu'on appelle la part des anges. Et en faisant ce procédé plusieurs années de suite, eh ben, on arrive à un produit vraiment de qualité. Et ensuite, on va redescendre. Quand on veut le mettre en bouteille, eh ben, on va rajouter de l'eau des Vosges. Parce qu'elle est sans calcaire, et donc du coup, c'est la meilleure eau pour faire ce genre de choses, l'eau de montagne, comme chez nous. On a vraiment un trésor dans les mains avec notre eau. Et donc du coup, eh ben, en redescendant, on rajoute de l'eau dans notre alcool, et du coup, on va le redescendre au niveau légal, donc c'est 43 degrés pour les eaux de vie, 45 degrés pour les grandes réserves. Alors j'ai vu sur votre site internet que vous proposez plusieurs eaux de vie, à savoir la traditionnelle, le spiritueux et rare. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ben, la traditionnelle, en fait, c'est les eaux de vie qu'on retrouve... c'est les fruits les plus communs, comme les classiques, la poire, la framboise, la mirabelle. Alors bon, c'est vrai que c'est les fruits... c'est des fruits assez bateaux, assez communs, mais en fait, les gens reviennent aussi souvent là-dessus, hein, c'est vraiment des produits de référence. Et après, les eaux de vie plus rares, le bourgeon de sapin, c'est moins répandu. J'ai aussi de l'alisier, c'est une petite baie de la famille des sorbiers qui a la particularité d'avoir un petit goût de pistache, c'est assez sympa. Et puis en extra rare, on a aussi de la baie de houx. Alors là, c'est vraiment très très très rare de trouver du houx, déjà parce que trouver des cueilleurs de houx, ça court pas les rues. Et donc du coup, voilà, il y a tout un travail qui est fait aussi. La baie de houx, c'est une baie toxique à la base, donc pour éliminer la toxine, on fait une triple distillation. Donc triple distillation, ça veut dire qu'on perd beaucoup de matière, donc ça rend un produit très rare. Et donc voilà, après c'est les différences entre rare et classique. Quel format de bouteille vous proposez ? Est-ce que c'est du 33, du 75, du 1 litre ? Alors pour les eaux de vie les plus traditionnelles, on a plusieurs formats. En 70 centilitres, et en 35 centilitres, en mignonnette de 3 centilitres. On a aussi des petites fantaisies, on a des formats de bouteilles un peu plus... de la belle bouteille à offrir, on va dire. Et pour les eaux de vie plus rares, on va se contenter d'un seul format, en général 150 centilitres. Et pour les formats, la teneur d'alcool, elle est pareille ou c'est un peu moins d'alcool dans une bouteille de 70 centilitres que dans une bouteille d'un litre ? Non, parce que le degré d'alcool, ça, il est calculé avant de mettre en bouteille. Donc après, il va pas bouger une fois mis en bouteille. Non. Et justement, comment est-ce que vous déterminez le degré d'alcool en fonction de ce que vous fabriquez ? Alors, il faut savoir qu'il y a un degré déjà légal. Nous, en tant que distillerie, on est limité au taux d'alcool à tant de degrés. Par exemple, comme je disais, pour l'eau de vie, on ne peut pas dépasser 45 degrés. Et puis après, c'est, ben voilà, par exemple, on a une petite nouveauté, c'est de la liqueur de citron. Vous faites, nous, on l'a fait à 35 degrés, la liqueur de citron. Je trouve que le citron, ça mérite d'être rafraîchissant. Si on le mettait à 18 degrés, ce serait super sucré et c'est pas le but recherché par le citron. Donc, nous, on jauge un peu, on se dit à 35 degrés, ça va rendre quelque chose bien frais. Alors, faut le boire bien frais, sous un parasol, si jamais on s'endort en vidant toute la bouteille. Mais, voilà, après, nous, on jauge un peu notre degré d'alcool. En fonction du goût qu'on veut avoir, quoi. À tout à l'heure, tu disais qu'en plus de l'eau de vie, vous faisiez des whisky, mais j'ai vu aussi sur votre site que vous proposiez de l'absinthe. Ouais, alors on a nos propres plantations d'absinthe. Et ouais, alors pour le coup, l'absinthe, eh ben, c'est pas la même loi pour le degré d'alcool. La plus douce, elle fait 55 degrés et on va jusqu'à 72 degrés. Bon, faut pas le boire pur, hein. Ça fait un trou par terre sinon. Mais il y a une méthode aussi ancestrale pour déguster l'absinthe avec la fontaine, la cuillère percée, le sucre. Et donc du coup, en ajoutant l'eau et le sucre, on va obtenir un alcool qui est pas plus fort que le pastis. Voilà, on va redescendre le degré d'alcool, quoi. Ben, un degré d'alcool assez élevé, c'est un bon antiseptique, je pense. Ouais, on n'a pas été malade pendant le Covid. Alors, j'ai vu aussi sur votre site que vous proposiez une boisson qui s'appelle la poire prisonnière. Alors, ça m'a un peu perturbée. Comment est-ce que vous avez introduit la poire dans la bouteille? La poire, elle pousse dans la bouteille. On met la bouteille dans l'arbre. Tout simplement, quand la poire est à l'état de bourgeon. Donc là, on peut encore la passer dedans. Et puis ensuite, elle va grandir. Et puis quand elle est mûre, on coupe. Et puis, elle peut plus ressortir, quoi. Comment ça, une poire, ça peut pas s'échapper? Non, je crois pas. Est-ce que c'est vrai qu'il faut pas consommer les fruits présents dans les boissons alcoolisées? Je le conseille pas. Perso, j'ai pas essayé, mais c'est plus vraiment, par exemple pour la poire, c'est plus vraiment une poire que vous avez dedans. C'est quelque chose de beaucoup plus farineux. Et c'est vraiment, ça a pris pendant, plus ça macère longtemps, plus elle va continuer en permanence à macérer dedans. Et donc du coup, elle va s'imbiber toute l'alcool en fait. Pour rendre du coup le reste de la bouteille, plus on la garde cette bouteille, et plus le goût de la poire il s'intensifie. Mais du coup, pour que le goût de la poire s'intensifie, il faut bien que l'alcool parte quelque part. Et du coup, c'est la poire qui absorbe tout. Et donc du coup, si vous en gardez une depuis 2012, je pense que si vous mangez ça, ça doit faire mal. Ouais. Comment est-ce que vous choisissez le nom de vos produits? Par exemple, j'ai vu que vous proposiez la birtie. Alors pour le coup, la birtie, donc c'est notre amère à la myrtille. C'est notre amère à la myrtille et en fait, pour dire que ça va avec de la bière, et beer, comme bière, quoi. Birtie. Voilà, on a aussi Birabelle, donc ça veut dire bière avec Mirabelle, et bière sapin. Voilà, pour cela, c'est... Voilà. Est-ce que vous utilisez une machine pour les mises en bouteille ou est-ce que vous le faites vous-même? Alors oui, on a une machine d'embouteillage, mais bon, faut quand même, c'est pas une machine qui marche toute seule, quoi. Hein. On a en général deux personnes par groupe d'embouteillage. Nous, on a deux groupes d'embouteillage. On en a un pour les bouteilles de format classique et un plutôt pour les mignonnettes, quoi, les petites bouteilles de 3 centilitres, quoi. Et il faut quand même deux personnes pour au moins deux personnes pour gérer toute la mise en bouteille, temps de poser les bouteilles, qui est le remplissage, qui assure en permanence, la mise du bouchon, enfin c'est le sertissage, l'étiquetage, enfin voilà. Puis bon, les machines, elles ont de temps en temps aussi des bugs, donc faut toujours quand même suivre derrière, faut toujours du monde pour voir que ça fonctionne bien, quoi, tout simplement. Et pour les mises en bouteille, vous en faites combien par jour à peu près? Là, ça dépend. En général, notre chaîne d'embouteillage, si vraiment on en voit tout le temps, on peut faire 800 bouteilles par heure. En général, quand on fait de la production, on produit toute l'année, mais quand on met en bouteille, c'est en général une palette, ça fait à peu près 350 bouteilles à la louche. Pour les bouteilles de 70 centilitres, on va dire. Et puis, dans une journée, on peut faire, si la machine le veut bien, on peut faire 4, 5 palettes. Enfin, ça dépend. Alors, j'ai vu sur votre site internet que vous misiez aussi beaucoup sur le design de vos bouteilles. Pourquoi, du coup? Eh ben, pour que ce soit, pour que ça attire l'œil, quoi, déjà, c'est, voilà, une bouteille, si on veut qu'elle se vende aussi, c'est le but aussi à la fin, c'est pas juste l'amour de faire de l'alcool, c'est, voilà, on doit aussi faire des, c'est de faire de belles choses, et puis nous, on a la chance, du coup, de travailler avec les imageries d'Épinal, donc là encore, on essaye de faire sur des, sur quelque chose de, bah, de très local, et puis de, c'est assez réputé aussi, les imageries d'Épinal, donc, voilà, c'est cool, ça fait des belles étiquettes, des belles bouteille. Du coup, ça reste dans le local. Ouais, c'est ça. On essaye de travailler un maximum avec le local. On travaille aussi avec une boîte à Saint-Amé pour toutes les étiquettes, en fait. On marche aussi au maximum avec des entreprises locales, quoi. Et au niveau design, j'ai vu des cigares. Alors, je me suis dit, est-ce que les cigares, c'est des vrais cigares imbibés d'alcool? Alors ouais, c'est des cigares, bon, faut éviter de les fumer, hein. Ça explose en général. C'est des petites mignonnettes de 3 centilitres dans lesquelles bah, on met, on a plusieurs choses, quoi. On a de la Mirabelle, on fait aussi, on a la vieille poire, ça c'est un des produits phares, ça c'est terrible. La vieille poire, c'est, on la vieillit 5 ans en fût de chêne. Donc elle prend le goût un peu du bois et tout ça, et ça on les propose aussi en format cigare, justement, des petites fantaisies comme ça. Mais ouais, il y a pas mal de... Ouais, faut juste pas les fumer, mais sinon bah, c'est sympa. Moi j'appelle ça le kit télésiège. Quand on est l'hiver sur les télésièges, ah tiens, t'as recommencé à fumer, ouais. Hop, la petite fiole. C'est pour moins souffrir du froid sur les pistes. C'est ça, voilà, c'est important. Vous proposez aussi également des produits fantaisie. Ouais, c'est ça. On a par exemple des petits tracteurs en bois dans lequel on a, par exemple, bah, on a le CEO derrière qui est en fait rempli de poires. On a des motos. On a pas mal de petites fantaisies, des camions alambics, des petits jouets en bois, on va dire. Et puis ouais, ça c'est sympa aussi, des cadeaux de fête des pères aussi, c'est bien demandé. On a aussi des camions de pompiers, donc bah dès qu'il y a des pompiers. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est cool. Du coup, les pompiers avec le feu dans le gosier, c'est ça? Ouais, voilà. Tadam, tam, tam. Oui. Alors, j'ai vu que vous proposiez la possibilité de faire des coffrets. Est-ce qu'on peut choisir ce qu'on met dedans ou est-ce que c'est vous qui le composez? Bah, nous, on en a déjà de composés en exemple. Et après, les gens qui viennent, qui disent « Ah, bah ouais, moi, je voudrais plutôt mettre, de la prunelle avec une liqueur de coquelicot, une liqueur de géranium, tac. » Ben ouais, c'est bon, on peut faire un petit coffret, on peut faire des petits paniers, des emballages cadeaux, tout ça. Ouais, y a pas de problème, on s'adapte. Et de tous les produits que vous proposez, lesquels rencontrent le plus de succès auprès de votre clientèle? Ben, essentiellement, tout ce qui vient des produits locaux. Donc, que ce soit l'eau de vie de Mirabelle, la crème de Mirabelle, la crème de bergamote aussi, tout ce qui est sapin, liqueur de sapin, nos amères. C'est vrai que nos amères, c'est aussi des très belles ventes. Voilà, il y a pas mal de choses, en vrai. Ça dépend des gens, mais ouais, c'est en général ceux-là qui reviennent le plus. Alors, j'ai vu aussi que vous avez reçu pas mal de prix pour les produits que vous proposez. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est vrai que... Alors, nous, il faut savoir qu'on n'est que 3 à la distillerie. On n'a pas toujours le temps de faire des salons et tout ce genre de choses. Mais notre patron va quand même aux principaux, on va dire. Il y a le concours général agricole à Paris. L'année dernière, on a présenté 9 produits et on a eu 6 médailles, dont 5 en or. Ce qui est plutôt une super reconnaissance. C'est vraiment cool. Et on fait aussi le concours international de Lyon, qui est aussi bien renommé. Et voilà, c'est les deux principaux en France, en tout cas. Après, il y en a aussi un gros à Düsseldorf, en Allemagne. C'est vrai que ben, d'avoir une reconnaissance comme ça, c'est vraiment chouette, quoi. L'année dernière, on a eu une médaille d'or sur le Genépi, sachant qu'à la base, le Genépi, ben, on va l'acheter dans les Alpes, les plantes, parce que ça pousse pas chez nous. Donc, dans les Alpes, je crois qu'ils l'ont un peu mauvaise quand on leur a pris la médaille d'or avec leurs plantes. Mais voilà, c'est une super reconnaissance. Et puis, c'est quelque chose de très renommé, le salon de l'agriculture, tout ça, enfin, c'est vraiment cool, on est assez fiers aussi de ça. Alors, tu disais que vous étiez 3 à travailler à la distillerie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur tes collègues, les mettre un peu en avant? Ah, puis elle m'écoute, faut pas que je dise de bêtises. Ils sont très gentils. écoute, on est 3. Donc, je suis avec Cathy et Michel, qui m'ont appris beaucoup de choses. Celles qui m'ont formé un peu sur le tard, hein, quand je suis arrivé à la distillerie. Et puis voilà, c'est une ambiance, on est... Voilà, voilà, trois collègues, et puis on se dispatche les tâches et tout, et c'est, voilà, c'est sous le règne de la bonne humeur, on va dire. On essaye de, enfin, on est le plus possible très positif, et puis c'est, enfin, c'est agréable, quoi. Je veux dire, on fait un métier quand même où on voit des gens assez sympas, et puis voilà, on a beaucoup de contacts avec les professionnels aussi, enfin, c'est aussi super de travailler avec ces gens-là, et enfin, voilà, c'est, moi, en tout cas, je suis très heureux. Ça fait 4 ans et demi que je suis là, mes autres collègues, ça fait 19 et 20 ans, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, si elles sont encore là depuis 20 ans, c'est aussi qu'on s'y sent bien et que l'alcool conserve. Nous allons faire deux pauses musicales avant de continuer de parler de la distillerie Le Comte Blaise. On vous laisse avec Bernard Lavillier et Dana Kill. On se retrouvera juste après sur le 107. Si tu danses au reggae, si tu penses au reggae, tu balances au reggae, sans défense au reggae. C'est spécial le reggae, infernal reggae. Ça commence à cogner comme un cœur régulier. It is so hard to stand the ghetto. Tout le monde danse, te traîne. Tout le monde fume et tu bois. Downtown, ça enchaîne. Dans les rambas en bois. Quand ça cause le reggae, ça explose. C'est la soul reggae qui déboule reggae. To stand the ghetto.

Donc les visites sont gratuites. La dégustation aussi, en général, c'est là qu'on passe le plus de temps. Visite libre, visite gratuite toute l'année. On est ouvert dès lundi au samedi, sauf les dimanches et les jours fériés qu'on est fermé. Du coup, pas d'excuses pour ne pas venir, on est là tout le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes où vous êtes plus actif que l'autre ? J'imagine que Noël, les vacances d'été, c'est un peu plus actif que la période qui va arriver après la rentrée, par exemple ? Oui, c'est ça. Encore que le mois de septembre, il y a beaucoup de gens qui voyagent en septembre encore. Mais ouais, juillet, août, oui, c'est une très belle période en général où il y a beaucoup de monde. Et puis Noël, bah oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensent aussi à nous. Et ça, c'est bien sympa à eux d'ailleurs, qui pensent à nous pour leurs cadeaux de fin d'année. Et voilà. Donc nous, on passe notre temps à faire des emballages cadeaux. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec des restaurants, par exemple, aussi ? Ah bah oui, bien sûr. On a beaucoup de clients professionnels, notamment beaucoup de restaurants, des cavistes, des supermarchés locaux. Les restaurants, c'est vrai qu'ils apprécient beaucoup nos produits aussi, notamment beaucoup les crèmes pour faire des kirs. C'est chez eux surtout qu'on va faire des kirs. Et puis ben, les petits Dijon aussi qui passent bien. Alors, pour la visite de la distillerie, est-ce que vous accueillez des groupes et combien maximum de personnes ? Alors oui, on accueille des groupes. Si vous venez à 50, prévenez-nous quand même à l'avance, hein, qu'on ne soit pas pris de court. Mais oui, on va dire que un bus normal, c'est quoi ? C'est 50 personnes. 50 personnes, on peut faire la visite. Si c'est plus, faudra faire deux groupes. On arrivera bien à se couper en deux et puis à faire une partie qui fait plus la visite de la grande distillerie. Et puis après, on a un petit film qu'on diffuse aussi qui explique un petit peu d'où viennent nos plantes, nos fruits, comment on distille, etc. Voilà. Côté une petite heure, si vous êtes un groupe pour une visite. Mais en général, le plus long, c'est la dégustation. À 50 personnes, ça ne doit pas être facile à gérer puisque si vous en perdez un dans le groupe qui est parti déguster alors que c'était pas prévu. Bon, il y a toujours quelqu'un qui reste quand même au pôle dégustation, hein, parce qu'il y en a qui profitent justement, il y a toujours des petits malins, le film, je vais en profiter, toi qui sont pas là, je vais goûter ça, donc on est quand même au minimum deux à la distillerie sur place, donc il y en a un qui peut faire la visite et puis l'autre rester au magasin, ça c'est pas un problème. Et comment est-ce qu'on peut réserver si on veut faire venir des personnes avec nous ? Après, si vous êtes en famille ou une dizaine de personnes, vous n'avez même pas besoin de nous appeler. Vous venez et puis il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez nous contacter par mail, par notre numéro de téléphone. On est toujours à répondre. Et puis si on n'est pas là, laissez un message et puis on vous recontacte. Voilà. Tu me disais hors antenne que le nom de la rue et de la distillerie avait changé, c'est ça ? Ouais. Avant, c'était rue de la gare. Simplement, la gare, elle ne sert plus vraiment. Maintenant, c'est une piste cyclable. Donc, il n'y a plus trop de trains qui y passent. Et donc, du coup, on a vu un jour le maire et puis on avait proposé, ce serait bien, rue de la distillerie. Après tout, c'est vrai que c'est le bâtiment qui est encore en activité dans la rue, quoi. Et puis, qui est assez ancien aussi. Et puis, il dit, pourquoi pas ? Donc les démarches ont été faites et puis maintenant c'est rue de la distillerie. Du coup plus personne ne nous retrouve sur les GPS, mais c'est pas grave, on est content quand même. Ça c'est ballot par contre. Ouais c'est ballot, ouais. Tous les GPS sont pas encore à jour, donc voilà. On compte sur le bouche à oreille local pour guider les touristes. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la cave à whisky ? Alors c'est vrai que ça fait quelques années, on a retapé la cave de la distillerie. Et puis on a commencé à y mettre nos tonneaux et puis à faire notre whisky. Nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est du single malt. Bon, après, c'est des termes un peu techniques, mais ceux qui connaissent le whisky sauront. On a les premières bouteilles qui vont sortir, les toutes premières sont sorties déjà il y a 2 ans, et là la prochaine fournée, je devrais avoir 2 tonneaux, donc un tonneau c'est 740 bouteilles, donc 1500 environ qui devraient arriver d'ici le mois d'octobre. Un whisky qui est vieilli 4 ans en fût de Sancerre. Et la 5e année, dans un fût de chêne où on a de la poire William, là où on fait vieillir notre vieille poire, en fait, on va transvaser le whisky dedans. Et du coup, alors un petit goût assez sympa. Et la cave, du coup, je fais des visites guidées, moi ou mes collègues d'ailleurs. On fait des visites guidées tous les mercredis de l'été. Bon, ouais, c'est un peu tard, hein, c'était le dernier mercredi. Mais le reste de l'année, un peu moins de monde, on n'est pas obligé d'attendre le mercredi pour faire la visite de la cave. Et puis, il y a toujours une petite dégustation à la fin quand même, pas de problème, voilà. Et la cave à whisky, elle était là depuis le début ? Alors la cave y était, Mais elle avait eu d'autres utilités par le passé. Et puis ben là, elle était un petit peu laissée à l'abandon. Et donc on s'est dit, attends, on a quand même une super cave, faut y faire quelque chose. Et puis on a eu l'idée de faire du whisky. Donc là maintenant, on a retapé toute la cave avec mes collègues de Fougerolles aussi. Et on s'y est tous mis, on l'a refait vraiment belle, vraiment propre. Et puis maintenant, j'ai 60 tonneaux de whisky qui vieillissent, donc à peu près 45 000 litres. De quoi passer une bonne soirée, au moins une. Alors c'est quoi l'actualité de la maison Le Comte Blaise? Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Eh ben, on est présent sur les concours de Paris, de Lyon, hein, comme on a dit tout à l'heure. On va faire aussi un salon à Colmar. Avec les professionnels de SCAP Alsace. On va faire aussi, bientôt, il y a les journées du patrimoine et la semaine du goût. Et c'est toute une semaine où là, on fait vraiment la visite de la cave, justement, toute la semaine. Et puis voilà, c'est toujours gratuit, bien sûr. Et puis voilà, visite guidée. Voilà, c'est à peu près dans l'avenir proche ce qui devrait arriver. Et ça se passe comment, la dégustation? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent que pour la dégustation? En général, oui, quand on propose la visite, mais par contre, j'aimerais bien goûter ça. ça arrive assez fréquemment, oui, c'est vrai. En revanche, en général, on fait déguster, c'est des petits verres, hein, vraiment très, très, très petits verres. Et c'est vrai que les gens, en général, ils goûtent, ils disent « Ah tiens, ça c'est bon, ça, je vais m'en prendre une bouteille. » c'est quand même assez rare que les gens viennent goûter plein de trucs, puis ils repartent « Bon, merci, salut. » C'est rare. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, on est sur Facebook, on est sur plusieurs réseaux sociaux, on a notre boutique en ligne, on a notre site internet lecomteblaise.com. On nous retrouve un petit peu partout, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à la distillerie pour la suite? Eh ben, que ça perdure, que ça continue et qu'on continue à transmettre ce savoir-faire aussi à l'avenir. Et puis... voilà quoi, tout bonheur du monde. Joie, prospérité, bonheur. C'est ça, ouais. Amour, gloire, santé. Voilà. Cette émission maintenant terminée, Antoine, merci d'avoir été avec nous. Eh ben, merci à vous. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie, que tu reviendras nous voir. Eh ben, j'espère, ouais. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.